Audiomatique. Thank you. la transmission 312 d'Audiomatic était lancée par la collaboration entre les artistes Kevin Key et Ken Iwatt Marshall, qui nous offrait la pièce Metamorphosis. Cette composition est en fait un thème imaginé par les deux artistes pour l'œuvre Metamorphosis and the Trial de Kafka. Ils l'ont composée au début des années 80 et la pièce se retrouve sur l'album The Dragon Experience sorti en 2003 et qui regroupe des compositions réalisées par Kevin Key et Ken Iwatt Marshall en 1984 et 85. Audiomatic se poursuit incessamment avec une pièce de la formation Boards of Canada. baseball flirtatious example. Oh, bless her soul to further a degree. Theater goddess, film destroyer. New York girls are sure to enjoy her. A fuzzy peach teenage computer. A shocking figure in the eye of the universe. Cette séquence à Audiomatique se terminait sur la musique de Sonic Youth et sa pièce Radical Adults Lick Godhead Style de l'album Murray Street, paru en 2002. Avant cela, nous écoutions Mogwai et la pièce titre de l'album Kin, album qui est en fait la bande sonore du film de science-fiction Kin, Le Commencement, sorti en 2018. Et en début de séquence, c'était Birds of Canada et la pièce Slow This Bird Down de l'album The Campfire Head Phase, paru en 2005. Audiomatics continue cette fois avec le groupe anglais The Cure. Thank you. Prince qui composait ce segment musical à Audiomatique, c'était la pièce Carnage Visors du groupe The Cure. Cette pièce a été composée en 1981 comme trame sonore du court-métrage Carnage Visors, réalisé par Rick Gallup, le frère de Simon Gallup, bassiste du groupe The Cure. La transmission 3-1-2 d'Audiomatique prendra fin sur la musique de la formation allemande Dasir et la pièce Schöne Jugend de l'album Morgue, paru en 1998. Les sonoristes qui vous disent à mercredi prochain 17h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM pour la diffusion en direct de la transmission 313 d'Audiomatique et qui vous invite à visiter leur plateforme facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique pour avoir accès à toutes leurs anciennes émissions disponibles en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Dasir et la pièce Schöne Jugend. C'était Audiomatique avec les sonoristes.